En Corée du Sud, l'ex-représentant du parti gouvernemental Parti pour un Nouveau Monde et la représentante du Parti démocrate de Bulo ont affirmé lors de l'inspection parlementaire tenue le 13 octobre que la politique de Pakoné vis-à-vis de la Corée du Nord a échoué, d'après Yonhap News sud-coréenne. D'autre part, la radio sud-coréenne CBS fait savoir que la cote de soutien à Pakoné ne cesse de baisser selon le résultat du sondage d'opinion fait du 11 au 13 courant par un organisme intéressé chez plus de 1000 personnes de tous les paliers de la Corée du Sud. La cote du parti au pouvoir aussi a baissé de 2% pendant une semaine.